bienvenue dans le podcast de l'Avent, présenté par moi, Tibulus, le petit lutin farceur du Père Noël. Je suis content de vous retrouver pour cette aventure sonore. On est le 11 décembre. Moi, je vois que Noël se rapproche de plus en plus parce que les arbres, ils ont presque perdu toutes leurs feuilles, sauf nos sapins. Ils sont très beaux, ils verdoient. C'est magnifique dans le grand nord de Laponie. J'aime beaucoup, beaucoup la senteur du sapin. Ça me met en forme. Et je suis prêt à ouvrir la case numéro 11. De ce calendrier sonore, allons-y. Oh, une surprise. Bonjour à toi. Bonjour, c'est Matou, vous me connaissez très bien je pense. Moi en tout cas je suis super content parce que c'est bientôt mon anniversaire. C'est le 13 décembre mon anniversaire. Mais bon, j'arrête de parler de ça parce que on est là pour vous raconter une bêtise. Et d'ailleurs moi j'en ai une bonne. La bêtise qu'on a fait, on l'a fait à plusieurs. Parce que fallait avoir plusieurs petits bras pour la faire. On a caché le sapin de la mère Noël dans sa salle de bain. Elle l'a cherché toute la journée, jusqu'au soir où elle a voulu se brosser les dents. Et quand elle est entrée, elle a vu le sapin de Noël. Il avait plus de guirlande, plus de boules, plus d'étoiles. À la place, il y avait sa brosse à dents, son dentifrice, ses shampoings. Mais bon, nous, on a bien rigolé. Et le Père Noël, il a éclaté de rire. Oui, ça devait être trop drôle quand elle a découvert son sapin. Remarque, ça doit être drôle. Tu es dans ton bain et tu attrapes sur une branche le savon, un gant de toilette. Et puis, pourquoi pas du shampoing? Tout ça sur l'arbre, ça peut servir de porte-savon, tout ça. Ah oui, tiens, ça, c'est une bonne idée. Mais bon, je pense que là, faut qu'on retourne fabriquer des jouets, non? Ah, il est peut-être temps, effectivement, parce que le podcast, c'est une occupation en plus. Notre vrai métier, nous, c'est faire plaisir aux enfants et fabriquer des jouets. Allons-y, Matou. Allez, au revoir.